Je l'entends se dit lo oi. Oigo. D'accord. Oigo. Loigo. Et je ne vous entends pas bien. Vous vous adressez à usted. No le oigo bien. Encore une fois, s'il vous plaît. No le oigo bien. No le oigo bien. C'est ça. Alors, encore une fois, dites-le-moi. Dice, me dice. Me dice, c'est vous, usted, me dites. Me lo dice. Me lo dice veut dire vous me le dites. Mais je vous ai demandé, dites-le-moi. Et non, vous me le dites. Dites-le-moi. Dígamelo. Oui, encore une fois. Dígamelo. Dígamelo, c'est ça. Dígamelo. Et maintenant, ne le lui dites pas. Diga, non. No, dígaselo. No, se lo diga. Bien, dis-le à nouveau. No se lo diga. C'est ça, no se lo diga. Ce n'est que quand on donne un ordre affirmatif qu'on accole le pronom à la fin. Alors, dites-le lui, c'est... Diga, dígaselo. Dígaselo, très bien, dígaselo. Ce sont trois mots. Diga, se et lo, qui s'écrivent tout attachés et ne forment donc plus qu'un seul mot, dígaselo. Alors, dígaselo, dites-le lui, mais ne le lui dites pas maintenant. Pero no se lo diga ahora. Bien, pero no se lo diga ahora.